1960, c'est l'heure de l'indépendance. Pour tous les Africains, c'est une reconnaissance. Après, s'être fait lyncher, s'être fait insulter, la plupart de nos pères se sentaient libérés du poulet qui les retenait au sol. Une partie d'entre eux décidèrent d'aller toucher le pactole. À Paris, terre promise, celle qui symbolise, admet l'esprit d'entreprise et la gourmandise. Pour tous, c'était les études de façon farouche. De soukous, ils passaient à la soupe, du riz au couscous. Ils pensaient devenir cadre supérieur. Après des litres de sueur, aucune lueur de bonheur, nos mères ont dû prendre le train en route. Emploi, femme de ménage pour casser la croûte. Gratter, gratter, le soir on a mal au dos. Nos pères délaissent les études pour des petits boulots. Ah, petit feu, leur rêve perdait de leur magie de manière inouïe. Leur ambition, leur crédit. Peut-être parce qu'ils confondèrent île après île. Ils passèrent du stade de vivre à survivre. Le rêve français n'est peut-être pas le rêve américain. Celui des années 60, mais pas 90. Maman, je te dis, j'irai jusqu'au bout. La belle vie, je la vendrai à mon cycle. Le rêve français n'est peut-être pas le rêve américain. Celui des années 60, mais pas 90. Maman, je te dis, j'irai jusqu'au bout. La belle vie, je la vendrai à mon cycle. 1990, fini le love and peace. Les fantassins peinent dans la piste. Aucune loi n'est respectée, aucun devoir appliqué. Nous voilà face à face entre deux écoles de pensée. Le rêve français prend une autre dimension. Je m'en bats d'école, j'apprends plus mes leçons. Je préfère vendre des paxons, vendre du chichon, me faire de la maille et puis comme merde, même si ce n'est pas bon. Course poursuite dans la Tessie. Les képis veulent que je finisse à Fleury. Et moi je leur souhaite le pire des malheurs. Qu'ils perdent leur honneur, j'en sortirai vainqueur. J'encaisse la grâce de la masse dans ma face. Mais si ça fait des liens, tant pis pour Boniface. Le futur ne veut plus rien dire. Se saisir de l'empire d'un émir pour bâtir un rêve dont je connaîtrai peut-être pas la fin. Une mise au kamikaze qui pourrait changer mon destin. Écoute, je suis jeune, les vols, les guns m'ont permis de vivre. Le love, sex, c'est seul. Le rêve français n'est peut-être pas le rêve américain. Celui des années 60, mais pas 90. Mais moi je te dis, j'irai jusqu'au bout. La belle vie, je la vendrai à mon cycle. Le rêve français n'est peut-être pas le rêve américain. Celui des années 60, mais pas 90. Mais moi je te dis, j'irai jusqu'au bout. La belle vie, je la vendrai à mon cycle. Le rêve français n'est peut-être pas le rêve américain. Celui des années 60, mais pas 90. Mais moi je te dis, j'irai jusqu'au bout. La belle vie, je la vendrai à mon cycle. Le rêve français n'est peut-être pas le rêve américain. Celui des années 60, mais pas 90. Mais moi, je te dis, j'irai jusqu'au bout. La belle vie, je la vendrai à mon cycle. Le rêve français, ouais. Gratter, gratter, le soir, on a mal au dos. Nos padres délaissent les études pour des petits boulots. Vendre des paxons, vendre du chichon, me faire de la maille. Ouais, course poursuite dans la Tessie. Les képis veulent que je finisse à Fleury. De 1960 à 1990. Ouais, le rêve français. Le rêve français n'est peut-être pas le rêve américain. Celui des années 60, mais pas 90, mais moi je dis, j'irai jusqu'au bout. La belle vie, je la vendrai à mon cycle. Le rêve français n'est peut-être pas le rêve américain. Celui des années 60, mais pas 90, mais moi je dis, j'irai jusqu'au bout.